La bona música obre les seves portes una vegada més a través de la nostra sintonia amb Hola la Music, el programa de música en francès que ens acompanya en el dia d'avui. Un programa que espero que sigui del vostre grat, perquè és un d'aquells que nosaltres anomenem absolutament eclèctics, amb una mica de tot i de tot una mica en diferents artistes. Ara feia dies que no li dedicàvem, avui és el programa 113, des del 108 que no ho feien. Per tant, música aleatòria del vostre grat en tot el que és la música cantada en francès. Així sona i així és una nova edició de la música amb Rafael Corbí. Aquí començarem en el dia d'avui, doncs ho farem amb Léo Ferré i Jean Gabin amb una cançó que es deia Madame Angleterre, una cançó dedicada, doncs, ja ho veieu, amb aquest país, des de The Sax et the Corps, un disc del 1951. Seguirem amb Jacques Brel, amb Patrick Bruel i amb Michel Poirier, que ens acompanyaran també amb les seves cançons. Il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Moi qui ai trompé mes amis de faux serment en faux serment, moi qui ai trompé mes amis du jour de l'an au jour de l'an, moi qui ai trompé mes maîtresses de sentiment en sentiment, moi qui ai trompé mes maîtresses du printemps jusqu'au printemps. Je l'aimerais là et j'aimerais que les enfants ne me regardent pas. J'aimerais tenir l'enfant de carême qui a fait graver sous ma statue les dieux rappellent ceux qu'ils aiment, et c'était lui qu'ils aimaient le plus. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents, moi qui n'ai jamais prié Dieu que quand j'ai eu peur de Satan, moi qui n'ai prié Satan que lorsque j'étais amoureux, moi qui n'ai prié Satan que quand j'ai eu peur du bon Dieu. Carême, je l'aimerais là et j'aimerais que les enfants ne me regardent pas. J'aimerais tenir l'enfant de salaud qui a fait graver sous ma statue. Il est mort comme un héros, il est mort comme on ne meurt plus. Moi qui suis parti faire la guerre parce que je m'ennuyais tellement, moi qui suis parti faire la guerre pour voir si les femmes des Allemands, moi qui suis mort à la guerre parce que les femmes des Allemands, moi qui suis mort à la guerre de n'avoir pu faire autrement. Oh,

jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posez-la sur ma bouche. Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme ce joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. J'avais déposé le coudou des couteaux baisés sur ses lèvres d'une gifle immaturée, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais. Mais elle est à moi, je ne m'étais pas méfiée. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Posée sur sa bouche, je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin. Sur ses lèvres, moi je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je ne m'étais pas méfiée. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Un personatge que va donar una dimensió pop que els Yeyes, els cantautors i cantants de veritat no li havien donat als anys 60 i 70 de la música en francesa. Va ser un estil més anglosaxó. Michel Polnareff en La Mouche ens acompanyava des de l'antologia de la música francesa del 1972. Charles Aznavour amb Pierre Rocher ens acompanyarà ara mateix i després ho faran Les Enfoirs amb una balada nord-irlandesa. Il buvait des cafés français avec des pages. Il était très dégingandé. Il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas compter boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Petit papin, il portait un peu trop tombé. Il parlait par onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pas. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un peu trop tombé. Il parlait par onomatopée. Il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé. Il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas combiner boulevard Raspail. Il suivait une inconnue lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu. Petit babin, yeah. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des bras. Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre topé, son parler par onomatopée. Aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même même il ajoutait ces mots gentils. Petit babin, pouti pouti pouti pouti pouti. Plus tard ils se sont mariés, cela fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiner. Boulevard Raspail, il faut les voir dans un café, sur le comptoir, buvant frappé, des cafés frappés avec des pailles. Això és Hola la Music, el programa de música francesa a la teva emissora. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des boupillés jusqu'à Derry. Ma bien aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai ri aux hommes qui se battaient. Je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer lorsque la guerre et l'amitié et la justice feront chanter. Oh Dieu, à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné Merci infiniment. Merci les cœurs. Je voudrais faire un petit message personnel pour Dominique, mon amour, qui est tapis quelque part dans la pénombre de la salle. Je voulais lui rappeler que quand je lui ai demandé de m'épouser il y a 15 ans, je t'avais promis qu'un jour je t'emmènerais à l'opéra. Que cette terre nous semblait vieillot. Aujourd'hui, il me semble nouveau. Et puis surtout, c'était toi et moi. Ces deux mots ne vieillissent pas. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. Ça parlait de la Picardie et des roses qu'on trouve là-bas. Tous les deux amoureux, nous avons dansé sur les roses de ce temps-là. La pyramide du Louvre et on se te dira que le Louvre essaie de faire peur à la pyramide, alors que c'est la pyramide qui fait peur au Louvre. La pyramide ne se reflète pas dans le Louvre, alors que le Louvre se reflète dans la pyramide. Personne veut se voir tout le temps dans un miroir. Non. On se dira ça et on s'embrassera. Música, companyia, això és el que tenim sempre a través del nostre espai, a través de Olala Music, que ja us hem dit avui que era un programa eclèctic, un programa diferent dels que solem utilitzar quan estem nosaltres de festa. Ets, que de tant en tant ens toca la fet. Les Enfors, Yves Montand, Philippe Catherine amb aquest darrer tema, i ara mateix una música d'aquesta cantant que ja heu sentit moltes vegades, i més que l'escoltarem amb el nostre programa, la cantant bretona Noël Leroy, que jo pensava que es pronunciava, segurament ho deu fer també en bretó, i el seu cognom seria més aviat com en anglès, Leroy, però ella sento que la presenten com Leroy. Bé, en definitiva, d'una manera o l'altra la coneixem. A mi el que m'interessa és la seva música. Tout en Afeng és una cançó del 2012 de les Filles de l'Aigua, les Noies de l'Aigua, el seu disc de 2012. Una cantant preciosa i que té una música, té una veu que és de les millors que he sentit mai. Lâche mes pieds.

le temps et des serments autour. Petit bonheur deviendra grand. Esteu escoltant Oulala Music. Et le coton et boule d'or de gosses dans un jardin. Et le coton où elle est maman, j'en sais rien, viens de moi la main. Pour aller où, j'en sais rien, viens. Papa il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens de moi la main. Mais le coton, mémé elle rit souvent, tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens de moi la main. Périnée elle est grande, presque comme maman. Elle joue pas avec moi. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Christophe il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Dis Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Ils sont venus nous voir dans un rythme de corde. Sur le trottoir, on rassemblait la horde, les beatniks. Ils sont à notre époque, le sujet dont on parle. Et si de l'on se moque, ils s'en portent pas plus mal. La musique et les routes leur servent de royaume. Ils sont les siècle de l'atome. Ils sont venus nous voir dans un rythme de corde. Et puis sur le trottoir ont rassemblé la horde, les beatniks. Ils sont aimés des uns et supportés des autres, et rassasient leur faim sur le dos des apôtres. Des cheveux ils en ont, c'est ce qui fait leur force. De l'argent ils l'ont, ils ne sont pas précoces. Ils sont venus nous voir dans un rythme de corde. Et puis sur le trottoir ont rassemblé la horde, les beatniks. Moi quand je les regarde du haut de mes 20 ans, j'ai parfois le cafard de vivre prudemment. Ils sont venus nous voir dans un rythme de corde. Et puis sur le trottoir ont rassemblé la horde.

Nascuda a Montevideo, a Uruguai, i ja veieu, doncs, ballava calipso, d'aquesta manera, Eli Medeiros, amb la seva música. Res, que fins al final del nostre programa ens acompanyarà una cançó d'en Julien Doler, des del 2016, les seves millors cançons, el guanyador de la cinquena edició de la Nouvelle Star, en Julien Doler, nascut el 1982, canta, toca la guitarra, l'ukelele, i la veritat és que és un tio fantàstic. Aquí ens acompanya amb una de les cançons. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Espero que us hagi agradat aquest espai diferent avui d'Olala Música. Fins la propera. Les ombres du lac ont de sombres archives, ont de sombres archives.